L'actualité à Nancy et ailleurs. Jusqu'au 25 septembre, c'est le 80e anniversaire de la libération de Nancy. Parcours, exposition, concert, projection, le programme est dense pour commémorer cet événement. Kenza Marie Safraoui, bonjour. Bonjour. Vous êtes conservatrice du patrimoine chargée des collections contemporaines du Musée Lorrain. Alors expliquez-nous un peu comment a été imaginé cet événement à Nancy. On a imaginé cet événement sur 15 jours, puisqu'on va célébrer la libération de Nancy du 10 au 25 septembre, à travers en fait un regard qui est vraiment porté sur l'expérience des populations civiles. On a voulu insister sur les mémoires de la libération, à travers ce que les civils, les hommes, les femmes ont pu traverser comme expérience à cette période. On a aussi varié la nature des événements et des partenaires, puisque finalement sur ces 15 jours, il y a deux gros temps forts qui vont se déployer. Évidemment, la journée anniversaire de la commémoration, qui est le 15 septembre. Donc ce dimanche à 15h va se dérouler une cérémonie sur la place Stanislas, avec notamment une prise d'armes, mais aussi une cérémonie civile où des élèves de terminale vont prendre la parole pour s'exprimer sur des récits, des trajectoires individuelles en fait de personnes sur lesquelles ils ont pu travailler avec leur professeur d'histoire. Et puis, le week-end suivant, on sera aux Journées du patrimoine. Et évidemment, les Journées du patrimoine vont prendre une coloration 80e anniversaire, si on peut dire, puisque à cette occasion, nous allons montrer une peinture murale que le Musée Lorrain a fait déposer dans les anciennes usines Milandry de Dieulouard en 2021. Ce sont des usines qui sont aujourd'hui détruites. Et donc, plusieurs peintures murales réalisées par des soldats américains qui stationnaient à Dieulouard pendant la libération ont été déposés, sauvegardés, restaurés. Et c'est donc vraiment une œuvre inédite que le public va pouvoir découvrir rue d'Auxonne, dans l'ancien quartier général où a résidé le général Patton à l'automne 1944. Après, il y a d'autres expositions. On a aussi travaillé avec un musée associatif qui s'appelle l'Espace Mémoire 1939-1945 de Vézelise, qui est vraiment pionnier en matière de collecte et de conservation du patrimoine de la Seconde Guerre mondiale, que ce soit des objets du quotidien, des militarias ou autres, qui nous prête très généreusement des objets pour encore une fois raconter le quotidien des soldats américains à Nancy pendant la libération. Et puis ensuite, sur la quinzaine, vont se grener des conférences, des concerts, des projections, avec encore une fois à chaque fois le souhait vraiment de s'adresser à différents publics. On va aussi bien projeter des blockbusters, et je pense pour ça à Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, que l'on va projeter le 20 septembre avec un suivi d'un débat, que aussi vraiment du cinéma de patrimoine. Et donc là, on va aussi montrer par exemple des films de Roberto Rossellini, et notamment Allemagne année zéro en partenariat avec le Goethe Institut. J'irai aussi qu'on peut inciter sur le colloque que l'on organise le 19 et 20 septembre, un colloque scientifique, donc organisé avec le Goethe Institut et l'Université de Lorraine, qui là encore viendra sur l'expérience des populations civiles dans la libération, dans une période en fait qui a été plus complexe que ce qu'on pense. Alors c'est certes une période de soulagement pour une partie des populations, mais c'est aussi parfois une nouvelle occupation qui s'exerce. Donc c'est, il y a différents points de vue à déployer sur la période, et c'est ce qu'on a essayé de faire sur ces 15 jours. Dans cette logique aussi de faire comprendre la vie des civils, il y a aussi deux visites des abris antiaériens du lycée Jeanne d'Arc, la bibliothèque universitaire, le 21 septembre. Exactement, donc ça ce sont effectivement à l'occasion des Journées du patrimoine, ces visites-là qui sont proposées. Alors après, on peut aussi citer dans cet ordre-là un petit peu de retour sur l'expérience des individus, la lecture le samedi 14 septembre à 20h30 à l'hôtel de ville de lettres soldats américains qui sont proposées par la bibliothèque américaine de Nancy. Donc il y aura une lecture bilingue anglais-français de lettres de soldats qui racontent tout simplement leur quotidien de libérateur, qui encore une fois n'est pas fait que de joie et de liesse. Après je voudrais aussi peut-être vous redire rapidement les principaux partenaires, mais c'est un petit peu dire la diversité de ce qui a été proposé. Donc aussi bien l'Université de Lorraine et le Goethe Institut que la Bibliothèque américaine, que les cinémas Caméo, l'IECA aussi, qui vont projeter des documentaires à l'occasion de deux soirées spécifiques, la MJC Pichon, le Cercle Garenne et les ensembles aussi musicaux qui proposent des concerts dès ce week-end pendant le livre sur la place, mais aussi pendant les Journées du patrimoine. Et surtout, ce qu'il fallait pas oublier, vous voyez, c'est tellement un temps fort que je ne l'ai pas cité, c'est la reconstitution historique qui va se dérouler le dimanche 22 septembre, qui va en fait reconstituer le parcours des GIs dans Nancy avec une association en fait c'est IB et Reenactor qui sont vraiment très très soucieux du détail historique, qui sont vraiment dans une approche très précise et scientifique de la reconstitution. Et donc là, forcément, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui vont venir voir, je pense, le parcours des reconstitueurs. Voilà, une très grande reconstitution. Ça commencera à 10h du matin jusqu'à 16h30. Voilà. Donc ça va vraiment être un très grand temps fort. Les enfants aussi ont été intégrés, bien sûr, à ces commémorations et à cette préparation de ces événements? Oui, alors absolument. Parfois, il y a certains événements qui peuvent leur être dédiés. Donc, je pense par exemple à la projection le dimanche 15 septembre à 11h d'un film d'animation qui s'appelle Les Secrets de mon père, qui sera projeté à 11h au Caméo Commanderie. Donc il y a des temps comme cela, mais aussi évidemment l'association en fait des écoles devant lesquelles des plaques vont être fleuries tout au long de la quinzaine, qui sont à chaque fois l'occasion aussi de travailler avec les enfants sur la transmission en fait de l'histoire de ces événements. Et puis nous avons aussi publié à l'occasion de ces commémorations un petit ouvrage en partenariat avec Est Républicain. Donc c'est vraiment un partenariat Musée Lorrain et Est Républicain pour revenir sur Nancy pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la libération. Ouvrage qui retrace en fait de manière très limpide en fait encore une fois l'histoire de la ville pendant la guerre et qui sera distribué à des enseignants de CM2 des écoles de Nancy, mais également dans les collèges de la métropole. Donc c'est vraiment quand même un fil rouge encore une fois la transmission, puisque à quoi bon commémorer si c'est pas pour s'adresser aux nouvelles générations, et d'autant que on est dans une période où malheureusement les acteurs de la période sont en train de disparaître, hein, les témoins, les derniers témoins qui parfois approchent bien sûr les 90 ans voire plus disparaissent, et donc je pense que là on est un peu dans un moment charnière pour raconter cette histoire. Effectivement, pour ne pas oublier, c'est important. Fadjet y participe aussi à ces événements. Il y aura une émission de radio le 16 septembre à 18h. Oui. On peut en parler quelques mots? Oui, bien sûr. Donc c'est une émission qui va être enregistrée le 16 septembre à 18h dans l'amphithéâtre Léopold de l'Université de Lorraine. Donc on s'est associé pour cela, bien sûr, à Radio Fadjet, mais aussi à la bibliothèque américaine qui a la gentillesse de nous accueillir dans ses locaux. Et donc on a voulu varier en fait les points de vue à travers une table ronde qui va associer aussi bien justement des témoins ou descendants de témoins de la période, des professeurs, que ce soit du secondaire ou de l'enseignement supérieur, qui travaillent évidemment à la recherche et à la transmission de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, des étudiants, que ce soit des étudiants voire docteurs, hein, jeunes docteurs en histoire, jeunes chercheurs, mais aussi étudiants qui, par des actions associatives, essaient de transmettre de manière populaire et élargie cette histoire, des membres d'associations mémorielles. Donc vous voyez, c'est vraiment encore une fois l'idée de d'engager un débat, d'ouvrir le dialogue sur ces événements, encore une fois prendre un petit peu de recul sur la dynamique des commémorations, parce qu'évidemment c'est très important, mais c'est aussi quelque chose qui appelle un point de vue un petit peu réflexif et critique, et je pense que la variation de ces points de vue, ces différentes générations qui vont se rencontrer pendant l'émission, c'est l'occasion encore une fois d'ouvrir le dialogue aussi à des personnes qui peut-être ne sont pas familiers de cette histoire. Évidemment que cette quinzaine d'événements du 10 au 25 septembre va s'adresser déjà aux passionnés d'histoire, mais je pense qu'on a aussi le souci d'ouvrir ces événements à des personnes curieuses qui sont moins habituées à ces manifestations. Merci beaucoup. On voit le programme est très dense. Ça commence donc aujourd'hui avec déjà plein de choses. Il y a un concert ce soir des Satin Doll Sisters. On peut retrouver bien sûr le programme facilement sur Internet. Oui, alors absolument. Vous avez donc l'ensemble des événements qui sont diffusés sur l'agenda de la ville de Nancy, donc nancy.fr. Vous avez aussi des programmes papier qui vont être diffusés bien sûr chez tous les partenaires et dans différents lieux de la ville de Nancy. Et puis, si vous suivez les réseaux sociaux du Musée Lorrain, vous aurez aussi certains événements qui sont relayés, ceux que l'on organise, ceux qui ont aussi un petit peu une coloration scientifique. Mais voilà, je pense que l'affichage en ville va progressivement vous accoutumer à cette quinzaine un peu spéciale. Et je voulais simplement signaler aussi une action qui n'est pas directement événementielle, mais qui va quand même, je pense, être importante. C'est la collecte d'objets de témoignages que le Musée Lorrain va médiatiser à cette occasion. C'est-à-dire que l'on lance un appel aux particuliers, aux familles, aux personnes qui auraient une expérience familiale en lien avec la Seconde Guerre mondiale, ou qui connaîtraient des personnes qui peuvent être passionnées de cette histoire et qui conservent encore une fois des objets, des documents ou simplement des histoires à partager, et que nos musées nous pourrions venir conserver et préserver. Donc il y aura également un livret de collecte c'est-à-dire un petit fascicule qui explique ce que l'on va faire et comment ça fonctionne, comment on peut s'adresser au musée pour proposer éventuellement des dons. Un livret donc qui va être diffusé en même temps que la programmation du 80e anniversaire de la Libération. Merci beaucoup pour cette présentation très complète, Kenza Marie Safraoui. Je rappelle que vous êtes conservatrice du patrimoine chargée des collections contemporaines du musée Lorrain. Merci et bonne commémoration. Merci beaucoup, à bientôt. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.